En plus, surtout que c'est en français, c'est limité. Un vers en arabe encore, il est plus riche parce qu'il n'y a pas besoin de traduire. Donc tu déballes, comme on dit. Mais là, il faut parler et après traduire. Parler après traduire. Donc ça prend du temps. Et comme je le dis souvent aux frères, que, comme exemple, que celui qui veut la louf, on fait tout ça pour pouvoir avoir les deux loufs pour le site, principalement. D'accord ? C'est ça l'une des causes. C'est, nous on révise, ça nous fait réviser, parce que les choses sont de là qu'on a été prises. Mais surtout profiter aux gens qui n'ont pas l'arabe, qu'ils aient des prémices dans la religion, comme on l'a dit, pour que ce soit un aperçu, et qu'ils aient envie par la suite d'aller plus loin. Mais on leur dit, on leur rappelle, tout cela, sans langue arabe, ils seront extrêmement limités. Comme je le dis comme exemple, celui qui veut apprendre l'islam sans la langue arabe, c'est comme quelqu'un qui veut aller faire un peu comme de la plongée sous-marine dans les profondeurs sans équipement. Il ne va pas aller loin. Il va faire 2 mètres, 3 mètres, il va remonter la surface. Il ne peut pas. D'accord ? Et s'il va aller trop loin, il va se noyer. Tu vas apprendre l'islam sans la langue arabe, tu vas te perdre. Tu ne pourras pas distinguer. Même un hadith authentique ou d'arif, tu ne peux même pas savoir. Jamais. Dans la Aqidah, les Asma wa Sifat, tu ne vas pas comprendre. Ils ont traduit plein de livres dans Asma wa Sifat, mais en réalité, quand tu lis en français, tu te dis, les frères disent, ouais, alhamdoulilah, j'ai lu un livre dans Asma wa Sifat, c'est bien. Tu dis, tu regardes le livre, tu dis, Akhi, excuse-moi, mais le livre, là, t'as pas apporté grand-chose. Par exemple, Qawaid al-Mufla, le Charles Faymin, il était traduit en français. Là, c'est des kutub. Tu peux faire arabe-français comme ça, mais traduire le livre en français, totalement, ça, c'est totalement inutile. Tu n'aides pas les gens dans cela. C'est la Aqida. Et des fois, ça touche à la langue arabe. Les choses, sans langue arabe, tu ne pourras pas les comprendre. Ishtikok, Meselen, El Sifat, Mouvene, Asma, comme on extrait les attributs des noms, sans la langue arabe, tu ne pourras pas y arriver. Donc, là, on dit, donc tu vois, des frères, Alhamdoulilah, c'est pas pour les décevoir ou quoi, mais il faut qu'ils sachent que ce qu'ils lisent en français, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement limité. Des fois, tu en vois, ils sont super contents, très, très contents. On dit, Akhi, en réalité, t'as pas appris grand chose là. T'as lu beaucoup de pages, masha'Allah, mais en réalité, le cœur du livre, l'essence du livre, tu l'as pas eu. Tu l'as pas eu. Après, tu te dis, si, non, mais Akhi, même en français, faut pas croire, je dis, Akhi. Quand t'as appris la langue arabe, crois-moi, un exemple. Quand t'as appris la langue arabe, tu lui dis, c'est comme si demain, je sais pas moi, t'étais pilote d'avion, tu dis de prendre le transport en commun. Ça va pas t'intéresser. Tu dis, alhamdoulilah, t'as appris à piloter un avion de chasse. Pendant le ciel, tu fais ce que tu veux dans le ciel presque. Après, on te dit, viens prendre le métro. On va dire non. C'est un autre monde. D'accord ? On dit, c'est un autre monde, ça ne va pas ensemble. Maintenant, on ne dit pas, fais rien tant que tu n'as pas l'arabe. On ne dit pas, fais rien non plus. Prends des choses, mais ne prends pas n'importe quoi. Il y a des choses sur lesquelles, sans langue arabe, ça ne te, te servir à rien du tout. Donc, concentre-toi au début de tes efforts. Le Coran, tu les mémorises. Là, tu peux le faire. Sans langue arabe, tu peux le faire. D'accord ? Apprendre la langue arabe en soi, commencer, lire, écrire, prendre du vocabulaire, quelques règles de nahou, ça c'est faisable, ça faut le faire même à la base. D'accord, faut le faire. Et prendre des prémices dans l'aqida comme dans le tawhid, car c'est des choses que Allah a rendu disponibles même pour le non-arabophone. Des bases de la religion, tu peux les prendre sans la langue arabe, des bases fondamentales. Mais après, apprendre et s'élargir ou quoi, tu ne pourras pas. Par exemple, sous le salafa, tu peux l'apprendre en français. C'est pas comme en arabe, mais tu peux comprendre ces trois fondements. Il y a des kutub comme ça, alhamdoulilah, il y a une baraka qui fait que dans toutes les langues, celui qui n'a pas accès à la langue arabe peut en profiter et apprendre. Ça, c'est des choses. Il y en a wajib à savoir. D'accord, c'est wajib à savoir. Mais d'autres, il y en a babtawasso, elles sont plus larges, mais elles sont quand même extrêmement importantes. Sans langue arabe, tu ne pourras pas les avoir. Et même quand tu parles arabe et que tu lis en français, tu vois que le français c'est lourd. C'est lourd. Des fois, je lis des. Comme je dis, des fois je lis des livres en français avant, c'était lourd. Aujourd'hui, tu as en arabe des livres compréhensibles, tu profites. Hein, ça fait plaisir. Hein, mais en français, c'est lourd. Les choses, c'est lourd, on peut pas nier. Même le Coran, celui qui peut lire le Coran, qui ne l'est pas en arabe, qui ne comprend pas, il perd, mais quelque chose d'énorme. Je vois plein de gens, des fois, ils citent des versets, le sens relatif, approximatif du verset, tu vois. Mais en réalité, comme tu l'as dit, c'est pas dans le cœur. Car c'est en français, c'est pas en arabe. Le Coran, il est en arabe. Et s'il est en arabe, c'est pas pour rien. Maintenant, tu as des versets, tu peux avoir un sens approximatif en français pour que tu aies une approche Mais l'essence en soi de la chose, sans l'arabe, tu ne l'as pas. Quelqu'un qui est arabophone, qui lit le Coran, qui comprend l'essence, ceux qui lit en français ne sont pas les mêmes. Et leur foi n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Et ça, c'est une chose pour encourager les gens à parler en langue arabe. Qu'ils ne lésinent pas là-dessus. D'accord ? Et qu'ils aillent l'apprendre également. Ils ne se disent pas comme la langue arabe. C'est pas une chose qui touche à ma aqida. À mon manège, d'après eux, hein. Tu peux apprendre chez n'importe qui, tant que c'est quelqu'un qui parle bien l'arabe. On dit non. Même la langue arabe, tu l'apprends chez les gens fiables. Car justement, des gens avec la langue arabe, tu mets des chouboud dans la aqida. Plein. Dans les asmans sifat. Elle est le kalem, on fait le safa. Avec la langue arabe, ils te mettent des grosses chouboud. La salaine, la ilaha illallah, qu'on a appris là dans le livre, là. Tu connais pas les takdirat, tu connais pas plein de choses. Quelqu'un peut te mettre. La ilaha illallah te dit pas de. Il va te dire par exemple, pas d'adorer si ce n'est Allah. Comment tu pourras savoir que c'est pas vrai ce qu'il dit? Il te dit la ilaha illallah. Illaha, ça veut dire ma'boud. Tu sais pas qu'il y a un takdir, un sous-entendu, une chose qui a été enlevée, tu ne sais pas ça. Donc comment tu peux lui répondre? Tu peux pas lui répondre. À part si tu as déjà entendu quelqu'un d'autre qui t'expliquait auparavant. Mais sans langue arabe du tout, tu ne pourras pas, et la disquette rentre toute seule. Et tu vas te retrouver avec des paroles comme celle-ci qui sont complètement fausses, malheureusement. Donc la langue arabe, c'est le moyen essentiel pour apprendre la religion, pour celui qui ne l'a pas. Et celui qui apprend la langue arabe, bien Ta'ala, qui met des efforts, qui met une bonne niya, alors il rendra facile. Au début, c'est un peu dur, certes. C'est une chose nouvelle. Même tu lis de gauche à droite, et puis droite à gauche, tu n'écris pas pareil, ça n'a rien à voir. Prononcer les lettres. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, on a du mal certaines lettres à prononcer. Parce qu'on n'est pas des Arabes. D'accord ? Lakin, comme a parlé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Qarribou sadidou, faites comme vous pouvez. Allah, il voit ce que tu fais comme effort. En fonction de ton ijtihad. Un tamat, zali, faïze, quand fatah Allah alayk. Tu sais même pas, tu as fait des efforts et Allah, il t'a ouvert les portes. Il t'a ouvert la compréhension. Tu as des frères, ils ne parlaient pas langue arabe aujourd'hui. Ils parlent l'arabe, le nahou, ils comprennent mieux que les Arabes. Que beaucoup d'Arabes. Tu les vois par exemple, ils reprennent sur des fautes de Nahou, ils ouvrent, tu vois par exemple, souvent dans les cours de Nahou, les Arabes eux-mêmes de l'essence, ça les saoule. Ils comprennent pas. Et tu vois avoir un frère Arjami, non arabe, qui a commencé par le Nahou facilement, et comprend facilement. Et ça c'est Allah qui lui a accordé. Pourquoi est-ce qu'il a aimé ça? Il a commencé par ça. Mais quelqu'un qui vient grand, il n'a jamais appris le Nahou, il sait parler la langue arabe, il la comprend, tu expliques les Dhamma Fatha Kasra, il va dire, c'est bon, moi je comprends l'arabe, je comprends tout ça, tu vois. Mais on dit non. Il y a des choses sans ces sciences-là, tu ne pourras pas connaître le reste. Et agréable. Nous avons rendu le Coran facile, pour ceux qui se rappellent. Non, pas yé. Donc là, on va commencer dans le asl, dans le bab al-tanbih. Pas yé.